بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 17 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire correspondant au 4 du mois au 4 août 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ces cours au sujet de l'athéisme. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me soit profitable à moi, muslim convaincu, comme une cause d'augmentation de foi et de certitude, et qu'il soit profitable pour toute personne cherchant la vérité absolue. Donc avant de poursuivre sur le point qui était abordé hier, et j'espère que je ne vais pas oublier d'y revenir, qui concerne l'homosexualité, j'ai vu plus opportun de commencer ce cours par un point qu'on a déjà abordé, et de le clarifier un petit peu plus, car les athées, souvent, ils se basent sur la question de l'univers. La question de l'univers. Est-ce que l'univers est créé? Est-ce que l'univers est éternel? Aujourd'hui, c'est rare ceux qui prétendent que l'univers est éternel. Ça, c'était une croyance chez les athées grecs, comme Aristote. Mais aujourd'hui, la plupart des athées croient que l'univers est créé à un début. Donc, l'hypothèse que l'univers soit éternel, ça c'est une théorie quasiment une existence, ou on va dire une hypothèse quasiment inexistante aujourd'hui. Après, si l'univers n'est pas éternel, donc on va fonctionner en suivant un raisonnement par élimination. On va citer toutes les hypothèses possibles en ce qui concerne l'univers, et ensuite on fonctionnera par élimination jusqu'à garder la seule hypothèse juste et vrai et sur laquelle il y a les preuves. Donc, l'univers, ou bien il est éternel, ou bien il a été créé par le néant, ou bien il s'est créé lui-même, ou il a été créé par les lois de la nature, ou il a été créé par le hasard. Et la sixième et dernière hypothèse, c'est qu'il a un créateur. L'univers a été créé par un créateur. Donc, il n'y a pas autre hypothèse que ce qui a été cité. C'est pas possible de sortir une autre hypothèse. Ou bien il est éternel et la science contemporaine a démontré que l'univers a été créé il y a 13,8 milliards d'années, le début de notre univers. La deuxième hypothèse, il a été créé à partir du néant. Et ça, c'est tellement caduc que ça n'a pas besoin d'être discuté et traité. Mais comme il s'agissait de citer toutes les hypothèses imaginables avec la raison, on l'a cité. Sinon, c'est pas quelque chose qu'on doit citer. Car il y a personne qui va dire que l'univers a été créé par le néant jusqu'à un célèbre physicien, celui qui était sur fauteuil roulant, j'ai oublié son nom, Tony Hawking. si ma mémoire est bonne, il s'appelle Tony Hawking. C'est un célèbre physicien contemporain, il est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un des plus célèbres athées, car il leur a trouvé cette issue comme quoi l'univers est créé à partir du néant. Alors, on va voir ce que ça veut dire, créé à partir du néant. Est-ce que ça, c'est, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il y a une chose qui a été créée à partir du néant? Bien évidemment, tous les physiciens sont contre lui. Je parle des physiciens. Mais on peut trouver des athées qui disent, oui, pourquoi pas? À partir du néant, pourquoi pas? C'est là où on a vu que l'athée, il va aller à l'encontre de toutes les notions basiques et de toutes les raisons saines, et il va aller à l'encontre de tout rationalisme. Il va nous sortir des éléments, il n'y a qu'un fou pour les dire. Si tu dis à quelqu'un, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un homme, il est sorti du néant, il a été créé tout seul du néant. Est-ce qu'il va te croire ou il va te prendre pour un fou? Alors pourquoi on ne prend pas ces gens-là pour des fous? Qui nous citent des éléments et des choses plus extraordinaires que la création d'un seul homme. Un univers immense contenant des millions de galaxies. Et la nôtre, c'est une de ces galaxies. Mais, comme on a vu souvent dans les raisonnements des athées, l'homme, quand il renie son créateur, il va finir par se renier lui-même et renier sa raison. La troisième hypothèse, il s'est créé lui-même. Et ça, c'est impossible également. Il faut qu'il soit créé, il faut qu'il existe pour se donner l'existence. Comment il n'est pas encore créé, il va se créer lui-même. Ça revient à être créé par le néant. Mais comme je vous ai dit, pour citer toutes les hypothèses, ça a été cité. La troisième hypothèse, ou la quatrième, et celle-là par contre, elle est répétée souvent. La plupart des athées, c'est ce qu'ils citent. Ils disent l'univers a été créé par les lois de la nature. Et ça, ils le généralisent. Ils disent nous connaissons les lois qui gèrent l'univers et qui régissent l'univers. Et de la même manière, nous connaissons les causes des tremblements de terre, par exemple, les causes qui font descendre la pluie. Donc, ils disent, pourquoi avons-nous besoin du Créateur? Du moment qu'on connaisse ces lois qui régissent tous ces phénomènes. Donc, l'athée, en réalité, il suppose que connaître les lois est suffisant pour la création et l'émergence d'une créature, telle que l'univers, telle que la descente de la pluie, telle que l'existence des tremblements de terre, et ainsi de suite. Par exemple, ils disent, nous connaissons la loi de la gravité. Est-ce que la loi de la gravité à elle seule est suffisante pour l'émergence de l'univers? Bien évidemment, cette théorie est tellement caduque et tellement insensée que si on prend un simple exemple, vous constatez que cette théorie est fausse et caduque. Connaître les lois qui régissent un phénomène, t'as plus besoin de connaître celui qui lui a donné existence. Qui dit ça? À part une personne n'ayant aucun sens de la raison, ne possédant aucun sens de la raison. Si tu donnes un exemple à cet athée qui suppose par exemple que l'existence de la loi de la gravité est suffisante pour expliquer l'émergence du monde et de l'univers. La question qui est posée, qu'est-ce qui est plus proche de la raison et du bon sens et de la logique dans la cause de l'émergence de l'univers? L'existence d'un créateur ou la connaissance de la loi? Si on prend un exemple, quelqu'un, si ton fils âgé de 10 ans, il te pose une question. Il te dit, papa, qui a créé la voiture? Qui a conçu la voiture? Qui a fabriqué la voiture que nous utilisons chaque matin pour nous rendre à l'école? Tu lui dis, mon fils, ce sont les lois de la combustion. Les lois de la combustion interne dans un moteur, dans le moteur de cette voiture. Est-ce que les lois de la combustion interne dans le moteur de la voiture sont capables de créer la voiture? Il te dit non, je te pose pas la question comment fonctionne la voiture. Je te demande qui a créé la voiture, pas comment fonctionne la voiture. Si tu prends le moteur et tu prends les lois de la combustion, est-ce que c'est suffisant pour le fonctionnement de la voiture? C'est même pas suffisant. Car il doit y avoir du carburant qui va donner l'énergie. Il doit y avoir l'étincelle. Si les bougies ne fonctionnent pas, la voiture ne fonctionnera pas. Et aussi, il doit y avoir un moteur. Si tu prends uniquement la loi de la combustion, est-ce que ça va donner existence au moteur de la voiture? C'est quand il y a l'ensemble de ces choses-là que la voiture va fonctionner effectivement selon ces lois de la combustion. Mais les lois à elles seules ne sont pas suffisantes pour créer le moteur tout simplement. Que dire de créer toute la voiture? Et la voiture, pour fonctionner, elle a besoin d'un conducteur, d'être sur une route adaptée, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a besoin de citer des choses tellement évidentes comme ça? Mais malheureusement, l'athéisme est une religion tellement, dans laquelle il y a tellement d'aberrations et tellement d'abrutisme qu'on est amené à citer des raisonnements que même les petits-enfants connaissent, car leur nature humaine n'est pas encore corrompue. C'est pour ça, si tu réponds à ton fils, la voiture a été créée par les lois de la combustion ou les lois de la mécanique, il te dit, je ne te pose pas la question sur comment fonctionne la voiture. Ça, c'est comment elle fonctionne. Est-ce que le fait de savoir que la voiture fonctionne de cette manière, ça t'indispense de citer son fabricant, son concepteur? Non. Et c'est tellement évident, et c'est tellement logique, mais malheureusement, l'athéisme, c'est ainsi. Il s'appelle Stephen Hawking, maintenant ça m'est revenu, ce grand physicien lui-même, il a dit, il était sur un siège roulant jusqu'à sa mort. Ce même Stephen Hawking, il a dit, les gens pensaient avant ils pensaient que le créateur fait descendre la pluie. Mais avec la science, on a découvert le système selon lequel descend la pluie, c'est-à-dire l'évaporation. Et regardez comment c'est nul et comment c'est mal, c'est bête. C'est ça la réalité. Est-ce que ce système d'évaporation, c'est lui qui a créé la pluie, ou c'est le système selon lequel la pluie descend? Et est-ce que le fait de comprendre ce système de fonctionnement de la pluie, ça t'indispense de dire qu'il y a un créateur qui fait descendre la pluie? Au contraire, ce que tu viens de découvrir, le système d'évaporation, ça indique bien qu'il y a un créateur. Ça indique bien qu'il y a un créateur pour un homme doué de bon sens. Doué, on va dire, d'un minimum de bon sens. Pas un homme qui a étudié la physique ou la... Tu lui expliques comment fonctionne, comment... Quel est, tu lui expliques le système d'évaporation. L'eau s'évapore, se condense et après il redescend. Tu lui expliques ce système. Il te dit, il y a quelqu'un qui a créé ce système. Car le système a besoin d'un créateur. Que dire quand le système est tellement précis et tellement minutieux dans lequel il n'y a pas une seule faille? C'est pour ça le fait de comprendre le mode de fonctionnement ou le système de fonctionnement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créateur. Le fait de comprendre comment la voiture fonctionne ne veut pas dire que ces lois de la mécanique qui ont créé la voiture. Est-ce qu'il y a un homme qui a sa raison qui dit ça? Pourquoi on dit que les lois de la nature ont créé l'homme, ont créé tout ce qu'on voit? Est-ce que ces lois existaient? Et ça va nous faire tomber dans un deuxième problème qu'on a déjà vu, ce qu'on appelle la régression à l'infini. C'est une chose impossible. La régression à l'infini. Ça, yani, c'est-à-dire si on dit que c'est la loi de la nature qui a créé l'univers, cette loi de la nature a besoin d'un créateur. Donc une autre loi qui l'a créée. Et ainsi de suite, à l'infini. Donc tu dois t'arrêter à un créateur qui n'a pas besoin d'être créé. Sinon, ça sera une régression à l'infini. Et la régression à l'infini est quelque chose d'impossible. Car si c'était possible, jamais il n'y aura eu d'univers. Le fait qu'on voit l'univers devant nous, qu'on voit le monde devant nous avec nos yeux, son existence est une preuve qu'il y a une cause première. Et cette cause première, forcément, elle est incréée. Donc, si la loi a créé, qui a créé la loi? Une autre loi? Donc, qui a créé cette autre loi? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives au créateur. Ça, c'est des raisonnements simples, logiques, rationnels, qui coulent de source et qui n'ont pas besoin d'être démontrés. Si tu laisses un homme sans corrompre sa nature humaine saine, il arrive à toutes ces déductions facilement. Il n'a pas besoin d'un niveau de science. Et ça, c'est la méthode caricaturale de ces athées. Quand on leur pose des questions gênantes, ils te disent, toi, t'es pas un scientifique. Pour comprendre mon existence, j'ai besoin d'être le plus grand scientifique. Et toi, déjà, t'es un scientifique. T'es pas un scientifique. Tu t'opposes aux lois les plus évidentes et tu prétends être sur la vérité, et moi qui en parfait accord et en parfaite harmonie avec tout mon entourage, tu m'accuses de ne pas comprendre la science. Quelle science? Comme on a vu, si tu rejettes les lois de l'évidence, les lois primordiales comme la loi de la causalité, l'impossibilité de la régression à l'infini, que chaque créature a un créateur, si tu rejettes ces lois-là, il n'y aura pas de science. Car toutes les sciences sont basées sur ces évidences, ces axiomes. Après, l'autre probabilité ou l'autre hypothèse, c'est qu'ils te disent c'est le hasard. Et ça, c'est la plus merveilleuse de toutes les réponses. En réalité, tu vas constater qu'il va appeler Dieu par autre nom. Il va l'appeler nature, il va l'appeler coïncidence, il va l'appeler hasard, et ainsi de suite. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement fuir le fait de reconnaître l'existence du Créateur, pour ne pas se soumettre à lui. Donc, celui qui dit que le hasard a créé l'univers, le hasard, on lui dit, c'est quelque chose d'abstrait ou de matériel. Car comment quelque chose d'abstrait puisse créer quelque chose de matériel? Le hasard, tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà rencontré? Pourtant, tu crois en lui et tu prétends ne pas croire en l'invisible. Mais tu crois bien en le hasard et en la coïncidence. Et pire encore, tu prétends que cet être abstrait, le hasard, c'est lui qui a tout créé. Et quand est-ce que le hasard et la coïncidence donnaient l'ordre et l'organisation et la précision et la munitie? D'accord. On admet le hasard et la coïncidence. Mais celui qui a étudié les mathématiques, il pourra pas dire c'est la coïncidence qui a créé l'univers et qui a créé le monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en mathématiques, chaque coïncidence a besoin d'un temps pour produire son impact. Et elle nécessite une présence physique et spatiale pour produire son effet. Chaque coïncidence nécessite un temps et un espace. Sinon, elle ne peut jamais produire son effet. Et c'est pour ça, c'est impossible que le hasard soit le créateur de l'univers et qu'il ait un rôle dans sa création, alors que l'univers est issu en dehors du temps et de l'espace. En mathématiques, l'effet de la coïncidence apparaît dans le temps et l'espace. Et comment apparaît l'effet de la coïncidence sans l'apparition de la coïncidence elle-même? Car s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, la coïncidence n'existe pas déjà. Comment son effet va apparaître? C'est comme si tu me disais, c'est l'effet qui existera et après viendra sa cause. Et après viendra sa cause. Alors que tout homme ayant sa raison, qui n'est pas touché par la folie, te dira la cause précède l'effet. La cause précède l'effet. En plus de ça, nous avons vu que dans le corps de l'homme, il y a à peu près 100 milliards de milliards de cellules. 100 milliards de milliards. 100 trillions. Ou la trillion. C'est-à-dire 100 milliards de milliards de cellules dans notre corps. Et dans chaque cellule, nous avons 10 milliards de protéines. Les protéines qu'on trouve dans les cellules, nous en avons 10 milliards dans chaque cellule. Et chaque cellule comporte un ADN qui comporte 3 milliards d'informations. 3 milliards d'informations. Et ce qui est merveilleux, et peut-être qu'on reviendra sur ça plus en détail, ce qui est impressionnant, c'est comment ces informations codées dans l'ADN, comment ces informations se transforment en une chair et en des os et en une peau. Il y a des cellules, spécialisés dans chaque chose de ce qu'on a cité. Des cellules qui sont à l'origine de la chair, de l'os, de la peau, du pancréas, du cœur, et ainsi de suite. Comment ces codes génétiques et ces informations contenues dans ces codes génétiques, comment ils se transforment en une réalité? Comment ils s'exécutent? C'est impressionnant comment cela se produit. C'est impressionnant. Allahu Akbar. Allah est grand. Allahu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah qui a créé à la perfection toute chose. Gloire et pureté à lui. Wallahi, quand vous voyez comment ce processus se déroule, c'est incroyable. Une cellule, c'est comme une immense usine qui est équipée de tout ce qu'il lui faut. Comment lire le code génétique? Elle va fabriquer des protéines qui vont lire le code génétique. Et après, c'est un peu lent à expliquer, mais on y reviendra, Inch'Allah, si Allah nous le permet, car c'est vraiment quelque chose qui démontre la perfection dans la création d'Allah, et l'immensité d'Allah, et la magnificence d'Allah, Dieu créateur de toutes choses. Donc, prenons une petite probabilité pour que l'ADN soit organisé comme il est dans la cellule, dans une seule cellule. On parle d'une seule cellule. Le corps de l'homme contient à peu près 100 milliards de cellules. Et chaque cellule, elle est indépendante. Et elle a tout ce qu'il lui faut à son intérieur. Elle est équipée de tout ce qu'il faut. Donc, en mathématiques, quand c'est une probabilité 10 puissance 50, on l'appelle en mathématiques une probabilité impossible. On va la calculer quand même, mais dans la réalité, elle ne peut pas exister. C'est-à-dire 0,4901. Ça, c'est la probabilité 10 puissance 50. C'est 0, et on va mettre à côté de la virgule 4901. Vous imaginez? Ça, c'est impossible. Alors, pour que un seul ADN dans une seule cellule soit organisé comme il est aujourd'hui, la probabilité est de 10 puissance 40 000. 10 puissance 40 000. C'est-à-dire, tu vas mettre 0, et après la virgule, tu vas mettre 40 000 zéros, moins un zéro, et à la place de ce dernier zéro, tu mets 1. Ça, c'est la probabilité pour que l'ADN soit dans l'ordre dans lequel il est aujourd'hui dans notre cellule. Dans une seule cellule. On n'a pas parlé de toutes les cellules. Et on n'a pas parlé comment chaque cellule, elle va à sa place qui lui est réservée. Et comment elle se déplace dans le corps. Et comment. Et ça, c'est encore l'être humain. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il nous renvoie à méditer sur nous-mêmes. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ne voyez pas. Vous ne voyez pas les phénomènes qu'il y a en vous-même déjà, avant d'aller au monde externe. Médite sur ton corps, médite sur les systèmes dans ton corps. Tu vas voir la perfection et la magnificence de celui qui t'a conçu, qui t'a créé. Et que dire si on passe à l'univers? Donc, ça, c'est les probabilités. Et aussi, je pense que j'avais déjà abordé la probabilité pour une protéine. Une protéine composée de 5 atomes, oxygène, hydrogène, azote, carbone et soufre, avec des portions différentes. Pour que une protéine soit organisée, c'est une probabilité de 10 puissance 160. C'est-à-dire 0,159 0,1. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est impossible à toute petite échelle. À toute petite échelle. Que dire si on passe à une échelle un peu plus grande? Donc, selon les lois de la probabilité, c'est impossible que l'univers soit créé par la coïncidence. Aussi, ça c'est, on a parlé d'éléments d'une manière séparée. On parle d'un élément d'une manière séparée. Alors que dire quand on parle de la probabilité d'un ensemble, d'un composé, d'un ensemble d'éléments? Bien évidemment, la probabilité monte en flèche. Car on voit, par exemple, si on regarde le corps de l'homme, il y a plusieurs organes qui fonctionnent avec, dans une harmonie avec le reste des organes de l'homme. Et aussi, regarde, comment l'homme est créé et la femme. Et c'est pour ça, pour revenir à l'homosexuel, un homme n'est pas adapté à un homme dans les relations sexuelles. Comme une femme n'est pas adaptée à une femme dans les relations sexuelles. Mais un homme est adapté à une femme dans les relations sexuelles. C'est pour ça, l'homosexualité, c'est une anormalité. C'est une anomalie. C'est une maladie qui doit être traitée. Un autre élément, c'est la complexité. Si on parle de systèmes simples, on arrive à des probabilités comme celles que j'ai citées. Alors que dire que quand on passe à des systèmes extrêmement complexes, et Darwin lui-même, il s'est arrêté devant la complexité de l'œil. Et aussi, la coïncidence ne peut jamais créer la beauté. La coïncidence ne peut jamais créer la beauté. Il y a un scientifique italien qui s'appelle Fibonacci, qui a trouvé une séquence appelée la séquence de Fibonacci, The Golden Ration. Indépendamment de la véracité de sa théorie ou pas, en tout cas, ce scientifique a trouvé une ration qui donne la beauté. Et que cette ration, elle est partout dans la création de Dieu. C'est un rapport que tu trouves, par exemple, l'homme, quand tu le vois, indépendamment de la beauté de son visage, mais quand tu vois une beauté devant toi. Comment il est dans sa taille, dans sa largeur, les épaules, les yeux, tu vois une beauté. Et entre ces dimensions, il y a un rapport appelé le quotient d'or. Et ce scientifique a prouvé qu'il existe dans toutes les créatures. C'est pour ça, dans toutes les créatures de Dieu, nous voyons une beauté. Nous voyons une beauté. Et bien évidemment, la coïncidence ne peut jamais donner une beauté. Donc, je reviens à l'homosexualité et on terminera avec ça, si Allah nous le permet. Déjà, il l'appelle homosexualité, et ça, c'est un changement de la réalité de la chose. Car quand ils disent homo, quelqu'un qui est attiré par le même sexe, pour laisser entendre que c'est quelque chose de naturel. Et les athées, ils ont souvent tendance à expliquer ces choses-là par des phénomènes naturels. C'est pour ça qu'ils essayent de démontrer qu'il y a un gène de l'homosexualité. Je vais l'appeler homosexualité parce que c'est comme ça que c'est connu. Mais en réalité, elle doit être appelée l'anormalité sexuelle ou l'anomalie sexuelle. Et cette anormalité sexuelle était considérée comme un crime aux États-Unis. Et pourquoi ils ont fui, comme j'ai dit, anormalité ou anomalie? Parce que ça fait fuir. Ça fait fuir de cette notion. En 1970, ils ont fait une étude sur la population américaine. Ils ont trouvé que presque 74% de la population américaine qui considérait les homosexuels comme un véritable danger et qui ne doit pas être des profs ou des responsables des enfants, car ils ont constaté chez la plupart d'entre eux un penchant sexuel vers les enfants. Un penchant sexuel vers les enfants. Et ça, c'est connu. Ça, c'est quelque chose de connu. C'est pour ça des homos qui adoptent un enfant, il est en grand danger. Qu'est-ce qui va les empêcher d'abuser sexuellement de lui? Et en plus, ils sont pas ses parents. Ils sont pas ses parents. Et c'est pour ça, dans les sociétés athées, déjà, on trouve que des pères abusent de leurs filles. Car c'est la nature. Celui qu'il a eu, c'est sa fille, lakin, ça reste la nature. Comme le lion, il peut avoir des rapports avec une lionne dont il est le père. Lakin, c'est le monde des animaux. Chez les athées, c'est pareil. Il y en a, ils se privent de cela, ils font pas ça, mais après, comment expliquer que tu le fasses pas? Toi, tu es issu de la matière, selon ta conviction et ta croyance. Pourquoi tu le fais pas? Donc, l'homosexualité était considérée comme un crime partout sur Terre, tout au long du 19e siècle. Et c'est seulement avec l'arrivée du Parti démocratique aux États-Unis au pouvoir, sous Kennedy, exactement en 2003, c'est tout récent, c'est pas quelque chose qui date de 2 siècles ou la 3 siècles, c'est en 2003 que la loi a été modifiée, la loi américaine, et que l'homosexualité n'était plus considérée comme un crime. Et regardez le travail qui a été fait. En 1970, la majorité de la population américaine considérait l'homosexuel comme un mal, ni l'homosexualité comme un mal et un danger. En 1980, 10 ans plus tard seulement, après un grand travail des autorités sur la population, ils ont refait une étude sur les citoyens américains et ils ont trouvé que seulement 29% avaient toujours la même position. Peut-être s'ils font des statistiques aujourd'hui, ils vont trouver encore moins. Et ça nous pousse vers un autre point. Ça nous pousse vers un autre point. Pourquoi tous ces États aujourd'hui encouragent l'homosexualité au point où c'est devenu comme une religion qu'on cherche à imposer aux gens? Yani, dans les écoles, on enseigne l'homosexualité à des enfants. Malgré lui, il doit apprendre. Et après, ils viennent, ils accusent les parents de vouloir inculquer des valeurs religieuses à leurs enfants et qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Par contre, eux, ils ont le droit de leur inculquer l'homosexualité. Et un enfant qui grandit avec des homosexuels, il y a de fortes chances qu'il devienne homosexuel. Il y a de fortes chances qu'il devienne homosexuel. C'est pour ça que c'est très important de comprendre pourquoi tous ces États soutiennent l'homosexualité et pourquoi c'est tellement important que ce phénomène se propage partout. Il faut savoir que la population mondiale en 1980 était de 4,5 milliards. Ça, c'est la population mondiale. Quelques années avant, le nombre était de 3 milliards et un peu avant, 2,5 milliards. En 2008, la population mondiale est estimée à 6,6 milliards. Et en 2023, aujourd'hui, elle est estimée à plus de 8 milliards. Elle est estimée à plus de 8 milliards. Et l'athéisme, qui est en forte relation avec le capitalisme, et qui cherche à garantir aux riches encore plus de richesses, bien évidemment, l'augmentation de la population mondiale ne va pas dans leur sens. Ne va pas dans leur sens. Car si, par exemple, on suppose qu'on a 100 dollars à partager et qu'on est 10, on aura chacun 10 dollars. Par contre, si on est 100, on aura 1 dollar. Donc, c'est un intérêt dans le capitalisme de réduire la population mondiale. Ça, c'est quelque chose, yani, connu en économie. C'est pour ça, ça fait partie de ces moyens. Avant, le nombre de la population était réduit avec les guerres. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus difficile de mener, de provoquer des guerres. Par contre, il y a ce phénomène qui donne des meilleurs résultats sans guerre. Une partie de la population se transforme en LGBT et donc ils n'auront pas d'enfants. Aussi, l'encouragement des différents moyens de contraception, ça va dans le même sens, au point de l'imposer au pays afin de pouvoir bénéficier des crédits de la Banque mondiale. C'est des conditions. C'est pour ça que certains pays doivent mentir. Et il y a certains pays que je connais, et je ne veux pas mentionner le nom. Depuis peut-être 20 ans, j'ai l'impression que la population est toujours au même nombre. Et ça, c'est pas vrai. Et si je vois une ville à elle seule, comment elle a augmenté, elle est multipliée au minimum par 10. Lakin, c'est le moyen pour arriver à avoir les aides de la Banque mondiale. Donc, les moyens de contraception, aussi l'autorisation de l'avortement, et aussi diaboliser les familles nombreuses et les caricaturer, pousser la femme à travailler à travers notamment le féminisme et ses féministes. La femme qui va travailler, qui va faire une grande carrière, qui va, bien évidemment, c'est une femme qui va pas faire d'enfants ou elle va faire très peu. Et ainsi de suite, d'autres outils qu'ils utilisent pour arriver à cette fin. Et notamment, le point qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette homosexualité. L'homosexualité, en plus de ne pas engendrer des enfants, c'est un des moyens qui permet de tuer le plus de gens sur Terre aujourd'hui. Oui, l'homosexualité. Car elle est à l'origine de la plupart des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH, le sida. À cause de l'homosexualité, et ça, ce que je vais citer comme statistique, c'est dans le site officiel de l'ONU, vous l'avez connu certainement. Donc, c'est des statistiques tirées de ce site par rapport à l'homosexualité et son lien avec la maladie, avec le VIH, le sida. 40 millions de gays sont décédés à cause du sida. 40 millions de gays sont décédés à cause du sida. Et en 2022 seulement, il y a eu 630 000 homosexuels qui sont décédés à cause du sida. Vous imaginez le nombre que ça tue? Ça, et il ne se multiplie pas, il se réplique pas comme les cellules autorépliquantes. Et en plus de cela, la plupart d'entre eux meurent avec des maladies. Yani, subhanallah, s'ils réfléchissaient seulement, Dieu nous a créés et il nous a créés des femmes. Et il a créé des femmes, il leur a créé des hommes. Un homme, quand il va, je ne veux pas rentrer dans ça, mais c'est répugnant, ça s'oppose à la nature humaine saine. Il a dit, comment un homme, il va avoir des rapports avec un autre homme? Ça ne peut être que dans des endroits remplis de maladies et de virus. C'est pour ça, ils sont la cause de cette maladie et de la plupart de ces maladies sexuellement transmissibles. Et le reste de ces maladies, la cause, c'est ceux qui font la prostitution. Par contre, tu vas trouver, à l'opposé, ils vont aller jusqu'à imposer à des pays de ne pas avoir plus d'un certain nombre d'enfants. Un ou deux dans d'autres pays. Et ils ont interdit la polygamie partout. La polygamie qui était autorisée aux États-Unis, elle est devenue interdite. Donc, faut pas qu'on fasse d'enfants. Par contre, ils ont pas de problème avec les relations en dehors du mariage. Car en dehors du mariage, en général, ils font pas d'enfants. Et 6 enfants, c'est rare. C'est pas comme l'homme qui se marie avec une femme. Il est sérieux. Il s'investit avec elle. C'est la compagne de sa vie. C'est sa femme dans cette vie. Et son épouse est la mère de ses enfants. Par contre, dans les relations à droite, à gauche, en général, les gens ils font pas d'enfants. Et quand il y a des enfants, c'est par erreur, c'est un accident. Et la plupart d'entre eux, ils vont avorter en plus. Car l'avortement est une très très bonne chose. Donc, ça c'est la vision de ces phénomènes et de ces dangers auxquels est exposée la population mondiale aujourd'hui. C'est pour ça, nous devons, l'ONU, na'am, jazakallah khair, nous devons inculquer les valeurs de l'islam à nos enfants et les mettre en garde contre ces choses qui ont tendance à changer la nature humaine saine. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour corrompre cette nature humaine saine. Car ça, c'est un des moyens les plus grands pour arriver à la vérité en ce qui concerne Dieu et la foi en Dieu. Et ça, on va y revenir dans les cours prochains avec la permission d'Allah pour voir est-ce que la science indique l'existence de Dieu et est-ce que la foi en Dieu c'est une simple conviction basée sur la foi en l'invisible ou c'est basé sur des preuves et des arguments logiques et rationnels et incontestables. C'est ce que nous allons voir dans le prochain cours. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.